montrera à mes yeux la plus sympathique. À ce qui paraît qu'il faut surtout pas se planter, que le grand barbu là-haut n'est pas un comique. Il a l'air cool comme ça, mais en réalité, sur les bords il a l'air un petit peu tyrannique. Alors j'abandonne, je vends mon âme à ma personne. Alors j'abandonne, je trotte ma femme pour la vie bonne. J'ai beau tenter d'essayer de faire des efforts, comme le Dominique, le supplice horrifique, mais rien à faire, je ne suis pas vraiment d'accord pour bouffer à vie des matinées des cantiques. Pas chaud non plus pour avaler à les règles et les principes qui vous rendent hystérique. Lire des doctrines en tartine, c'est un petit peu chiant. Alors jetez-moi des pierres, je suis hérétique. Tant pis si mes pas me mènent tout droit en enfer. Je sais qu'il y fait chaud et aussi que ça pique, mais après tout je finirai bien par m'y faire. Ça vaut pas le coup de finir mes jours ecclésiastiques.